caresses, des baisers. Parce qu'en toi j'ai trouvé ma natif et mon amour. Tu m'avais pourtant juré de nous aimer sans retour. Des beaux serments échangés du fond de nos cœurs grisés. Ma natif et mon amour. Tu parais que t'importe. Puisque c'est le destin, dans le vent qui t'emporte, tu m'oublieras demain. Pourquoi m'avoir tant donné pour tout me reprendre un jour? Amour, tendresse et baiser, bonheur n'a jamais brisé. Ma natif est mon amour. Je sais bien qu'un amour, il en est fait un jour, plus malheureux qui aime mieux. Je m'abandonnais si doucement à tes serments, au fond de mon cœur tout simplement. Je croyais sous ce beau ciel, notre amour éternel, et c'est déjà la vie, pourquoi m'avoir tant donné? Pour tout me reprendre un jour. Bonheur, ivresse et baiser, tout ce qu'en toi j'ai trouvé, ça m'a tué mon amour. Tu m'avais pourtant juré de nous aimer sans retour. Des beaux serments échangés, au fond de nos cœurs grisés, ça m'a tué mon amour. Bonheur à jamais brisé, ça n'a tué mon